de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus pour une toute nouvelle émission d'Autour de vous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de Julien Cuny. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour, merci, ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Alors, eh bien, moi, je m'appelle Julien Cuny, je vis à Saint-Dié, je suis artiste, peintre et sculpteur, si on peut définir ça comme ça. J'ai fait les Beaux-Arts jusqu'aux années 2000, 95-2000. Après, je me suis installé comme graphiste indépendant pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis, à côté de ça, mon travail personnel s'est développé autour de la peinture, du dessin et de la sculpture. Et puis, ça fait à peu près 5 ans où j'ai mis plutôt de côté les demandes de clients au niveau du graphisme pour aller vraiment vers la création. Et la peinture et la sculpture sont devenues la partie la plus importante de mon travail. Vous disiez que vous aviez suivi une étude dans les Beaux-Arts, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers ce milieu-là dans les études? Alors peut-être que si je remonte au début, moi mon père est libraire et ma mère institutrice. Alors, du coup, les instituteurs, institutrices, je trouve qu'ils donnent pas mal la possibilité aux enfants de s'exprimer au niveau plastique, au niveau créatif déjà. Je pense que ça a dû jouer, ça. Et puis, mon père étant libraire, j'avais accès à beaucoup de bandes dessinées. Je pouvais même aller les chercher dans le magasin et les remettre le lendemain. Donc, je me suis beaucoup nourri étant enfant et adolescent de livres et de dessins. Donc, peut-être que c'est ça qui a donné cette envie, en tout cas. Je sais que les premiers dessins étaient autour de Lucky Luke et de dessiner Lucky Luke, Astérix. Enfin, voilà, du coup, cette envie du dessin, elle est venue en lisant les autres, en fait. J'ai vu via votre site que vous êtes multicasquette, comme vous le disiez, vous êtes peintre, sculpteur, photographe aussi, illustrateur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors, ça vient peut-être sur l'historique d'être graphiste indépendant, parce que dès qu'on a une demande pour fabriquer une image, finalement, on y répond de manière positive, même si au début, on n'est pas certain de pouvoir le faire, mais le client, on n'en a pas non plus partout. On cherche à répondre à sa demande dans tous les cas, j'ai envie de dire. Donc il y a la photographie, je m'y suis mis un petit peu parce qu'on me demandait de le faire par rapport à des envies de clients, où ils avaient besoin des reportages ou de choses comme ça. Donc là, j'ai aussi mis à la photo. La vidéo, c'est pareil, on m'a demandé des vidéos d'entreprise, bah du coup je les ai mis. On m'a demandé aussi de la modélisation 3D. Pour des fabricants de cuisine et de salle de bain, bah ça c'est pareil. Quelque part, je savais pas au départ faire des images de ce genre, et puis je m'y suis mis, et puis j'ai répondu à leur demande, ce qui fait que maintenant j'ai un éventail de techniques qui est assez vaste pour répondre à une création d'image. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tout ce que vous faites? Ah bah maintenant, je vous dis, vu que j'ai mis un peu de côté les réponses aux clients, c'est la peinture et la sculpture. Est-ce que vous mélangez parfois certains de vos savoir-faire ensemble, par exemple la photo et le dessin? Alors j'ai un peu mélangé la photo et le dessin parce que j'ai pratiqué un petit peu beaucoup de light painting, du dessin avec la lumière. Je sais pas si ça vous parle. Si, j'ai vu ça sur votre site, ça m'intrigue ça. Comment vous faites ça? Alors l'idée c'était justement, comme vous disiez, de mélanger le dessin et la photo, et je suis tombé par hasard sur des photos de Picasso qui dessinait avec une ampoule allumée. Et je me suis dit, tiens, en tout cas, il y a la même liberté de trait là-dedans. Donc je me suis un peu renseigné, et puis c'est un procédé qui est très très simple. Hein. Depuis que la photo existe, c'est un procédé qui est là. C'est que on pose l'appareil sur un trépied pour pas qu'il bouge. Mmh. On se met en face à l'objectif et avec une pose longue, c'est-à-dire que au lieu que l'appareil s'ouvre et se ferme en une seconde comme on a l'habitude de l'utiliser, eh bien là on le bloque ouvert et pendant, on peut dire 1 minute. Et pendant ce temps-là, on dessine dans l'espace avec une source lumineuse et au bout d'une minute ou plus ou moins, enfin voilà, c'est pas très défini hein, le temps, eh bien le trajet de la lumière s'est fixé sur sur la pellicule ou sur le capteur, ce qui donne ces dessins en trait blanc qui paraissent surimprimés sur le décor en fait. Je sais pas si c'est clair, mais... Quand on parle de quelque chose qui nous passionne, c'est clair, mais quand on sait pas, quand les gens connaissent pas, c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, peut-être que par rapport aux auditeurs, on a plus l'habitude de voir des photos de nuit dans les villes, où on voit les lueurs des phares, par exemple, les voitures qui passent. En fait, on voit plus les voitures et on voit que des traits rouges jaunes qui sont les traces des phares. Parce qu'en fait, la photo est prise pendant une minute. Donc, tout ce qui est mobile disparaît. En revanche, tout ce qui est lumineux, ben, on voit le trajet. Donc, des photos en ville où on voit plein de traits de couleur, plein de traits de lumière, ben, en fait, c'est les traces des phares. Hormis Picasso, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui vous ont inspiré ou d'autres qui vous inspirent encore? Oh, ben, il y en a quand même pas mal. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les artistes de l'époque, entre 1900 et 1950. Donc ce qu'on appelait un peu l'art moderne à l'époque, qui l'est moins maintenant, mais donc il y a Kandinsky, il y a Miro, un petit peu toute cette bande des cubistes. C'est plutôt le Corbusier aussi a fait un travail en peinture qui est moins connu que son travail en architecture et qui ça me plaît beaucoup. Après voilà, il pourrait y en avoir d'autres, mais. Dali? Ah non, en revanche, Dali, c'est pas un travail qui me parle. Pourtant, c'est les mêmes époques, effectivement, mais c'est moins quelque chose qui me parle, justement, parce que c'est peut-être beaucoup plus figuratif que les autres. Alors, je connais très peu, mais c'est pas quelque chose qui me plaît non plus de trop, Andy Warhol. En revanche, ce que fait Basquiat, ça, c'est plus l'état d'esprit qui me vient. Et qu'est-ce qui vous inspire, Julien, dans toutes vos créations? Aïe, aïe, aïe, qu'est-ce qui m'inspire? Je sais pas si... Il y a une cause à l'inspiration, il y a l'observation, là vous voyez, là en ce moment je suis en train d'être dehors en forêt, il y a l'observation de la nature qui m'inspire, parce que la variété du paysage par exemple, c'est des choses que j'essaie de rendre dans mes tableaux, pas de manière directe, mais en tout cas le fait d'avoir plein de formes différentes qui s'imbriquent, plusieurs couleurs, plusieurs textures... Pour moi, ça illustre la diversité et la variété qu'on peut trouver dans la nature. Donc ça c'est certainement une belle source d'inspiration. Quand on observe un paysage ou un endroit naturel, on remarque qu'il y a plein de plantes différentes, avec plein de formes différentes, des différences de hauteur, de couleur, de densité, entre les écorces, les plantes, les fleurs. Tout ça amène une richesse de forme. Et l'idée, c'est un peu de rendre ça dans un tableau. En plus d'être une passion, est-ce que l'art, c'est un exutoire pour vous? Est-ce que ça vous fait du bien de créer quelque chose? Ah ben, ça fait du bien à tout le monde, ça, de créer, parce que il y a une certaine satisfaction de partir de rien et de générer quelque chose. Après, on peut être déçu de sa production. Donc là, ça fait plus de mal que de bien. Mais ça passe par ces deux phases, là, où... Il y a le fait de créer qui est très gratifiant parce que on peut être content du travail fourni à la fin. D'un autre côté, on peut aussi se mettre à douter de ce qu'on a fait. Et en fait, on oscille entre ces deux états où ça nous fait du bien et qui ça nous fait douter aussi sur le résultat, sur le fait est-ce que c'est intéressant à partager avec les autres en fait. Est-ce que vous travaillez dans le silence ou plutôt dans le bruit, vous? Parce que je sais que certaines personnes ont besoin qu'il n'y ait aucun bruit et d'autres personnes qui sont inspirées quand il y a de la musique à fond, etc. Alors, j'ai envie de vous dire que j'aime bien travailler en musique, mais j'oublie souvent de la mettre. Alors, du coup, je ne sais pas ce qu'il en est. Parce que je me dis, je vais aller peindre à l'atelier. Voilà, des fois, j'amène une enceinte pour mettre la musique. Et puis après, au bout d'un moment, j'oublie d'avoir mis de la musique et finalement, J'aime bien aussi pas le silence, mais le son ambiant du l'extérieur, que ce soit des voitures, des oiseaux, tout le bruit de la vie normale autour de nous. Et quand vous mettez de la musique, est-ce que ça vous inspire certaines de vos créations des fois? Alors c'est arrivé, mais de toute façon, l'inspiration elle est souvent inconsciente, alors je peux pas trop vous dire si ça joue réellement, mais... Mais j'ai souvenir d'un tableau que j'ai appelé The End, parce que le couleur a eu en récurrence la chanson des Doors, que j'avais mis en boucle, et puis finalement, il y a... Donc j'ai même appelé ce tableau The End. Sinon, j'ai pas vraiment d'autres exemples. Est-ce qu'il y a une période de l'année qui est le plus intense pour vous au niveau création ou pas? Alors, il y avait, quand j'étais graphiste, je peignais finalement qu'en été, parce qu'il y avait moins de boulot. Mais maintenant, c'est plutôt régulier. Parce qu'effectivement, si... Ça, on y reviendra peut-être, mais je démarre un tableau sans avoir d'idée bien précise, ce qui fait que je me retrouve pas spécialement en panne d'inspiration. Hein. Parce qu'en fait, le tableau est un cheminement et... Il se construit, il se déconstruit, il se reconstruit. Vu que je pars sans dessin préparatoire, sans trop d'idées de départ, ben j'ai pas peur de me lancer sur le format blanc en me disant bah qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire, donc finalement il n'y a pas trop besoin d'inspiration. Elle arrivera pendant l'acte, en fait, pendant que je fais. Ça va plutôt être là que ça se passe. Nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, à savoir Pink Floyd et leur titre Echoes, et on se retrouvera juste après sur Radio Gamozo. To the land, and no one knows the way. shepherd closes me, and I am you, and what I see is me. Do I take you by the hand and lead you through the land and help me understand the best I can? Nous sommes de retour avec Julien sur les ondes de RGM. Avant de poursuivre cette interview, Julien, je voulais partager avec vous une citation de Rodin qui dit que l'art, c'est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à la faire comprendre. Qu'en pensez-vous ? Oui, je peux être que d'accord avec lui, hein. L'idée, c'est de partager sa façon de voir le monde quand on crée quelque chose. Alors, c'est complètement ce qu'il dit, on dirait. Nous allons aborder votre côté peintre. Sur quel support est-ce que vous peignez ? Alors, la plupart du temps, c'est des tableaux, des toiles, et puis du papier aussi, quand même. Et quel type de peinture est-ce que vous utilisez ? De l'acrylique, de la gouache, de l'huile ? Alors, c'est plutôt de l'huile. Ça dépend aussi, parce que le temps de séchage à l'huile est beaucoup plus long qu'à l'acrylique. Donc, ça dépend un peu des urgences. Ça dépend des urgences, mais la plupart du temps, c'est peinture à l'huile. Vous n'utilisez pas la gouache, donc ? Non, très peu de gouache. Non, jamais, même, quasiment. De l'encre, mais sinon, la gouache, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté. Et de toutes celles que vous utilisez, c'est laquelle qui est la plus difficile à manipuler et pourquoi ? Alors ça, j'ai pas trop de difficultés à utiliser les peintures, c'est vrai que chaque médium a une technique liée, mais je sais pas trop comment vous répondre à ça. En fait, il y a la chanson de Bobby Lapointe qui dit que la peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Je sais pas si vous la connaissez, cette chanson. Non, mais ça fera une occasion de la découvrir plus tard. Et alors que moi, je trouve que la peinture à l'huile n'est pas quelque chose de difficile, finalement. À part le fait que c'est quelque chose que je trouve plutôt facile à manier. Et c'est quoi des fresques ? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mal de travail de fresques en ce moment. Bah, c'est de l'art mural, hein. Fresques en extérieur ou en intérieur, avec guide public ou pas. J'ai pas mal fait de fresques participatives en ce moment, où en fait je propose au public de venir peindre avec moi sur un support mural. Alors c'est des fois du papier, c'est des fois le mur, c'est des fois le mur directement. Et l'idée, c'est de créer une œuvre collective. C'est un moment de création à plusieurs, où le résultat est important, mais c'est surtout le moment qui est recherché. D'accord. Et comment est-ce que vous faites ça ? Alors ça, c'est à l'acrylique, et puis je propose aux gens de venir s'exprimer sur le mur en partant plutôt de formes simples, plutôt géométriques, en leur disant que le but n'est pas spécialement de représenter quelque chose, mais plutôt de se laisser aller au geste, à la couleur. Et puis, au bout d'un moment, toutes ces formes qui ont été créées par tout le monde s'entrecroisent. Et puis moi, je suis là un petit peu comme un chef d'orchestre, peut-être qu'on peut dire ça, qui va relier tout ça ensemble pour créer une harmonie esthétique. Donc moi, j'interviens sur le travail qu'ils fournissent en reliant, en recréant des espaces blancs entre les formes, en essayant de relier tout ça. Combien de temps en moyenne est-ce qu'il vous faut pour faire ça ? C'est souvent des sessions de 3 heures. Vous peignez quoi comme fresque, Julien ? Alors, je peins des fresques, donc c'est de l'art mural, hein, c'est des grands formats, sur du mur. Et alors, c'est souvent, je propose souvent au public de participer pour créer une œuvre collective et sur laquelle après moi j'interviens pour relier un petit peu le travail de tout le monde. Les seules contraintes que je donne aux gens, c'est de travailler des formes plutôt géométriques. Et puis au bout d'un moment, toutes ces formes eh bien, se mélangent et donnent naissance à des formes plus complexes. Et à partir de ça, eh bien, moi, mon rôle il est un peu de relier tout ça et de venir suggérer au milieu de ces choses abstraites, de venir suggérer des créatures, des personnages, des choses qui seraient du coup plutôt figuratives. Et donc pour bien montrer ce mélange entre l'abstraction et la figuration. Vous êtes également illustrateur, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Alors oui, moi j'ai été illustrateur, je le suis moins maintenant, parce que l'illustration finalement ça répond plutôt à une demande par rapport à un texte ou par rapport à... quand on fait une affiche finalement, ça, c'est une réponse à un événement, donc on est lié à la demande, et ça c'est moins des choses que je fais maintenant pour être plus libre sur la création. Nous allons maintenant nous pencher sur votre côté sculpteur. Sur votre site, on peut lire de la toile au volume. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Alors c'est vrai que je me suis mis depuis quelque temps à créer des sculptures en acier, parce que oui, l'idée c'est de partir en trois dimensions plutôt que du 2D qui est sur la toile. Donc c'est une continuité du travail à plat. C'est toujours cette notion de forme qui s'assemble pour donner naissance la plupart du temps à des créatures, on va dire, à des personnages. Donc c'est la suite du tableau en fait. Je découpe des formes dans de l'acier et après je les assemble un petit peu comme des lamelles. Je sais pas si c'est parlant, mais et c'est de pouvoir les assembler ensemble, un peu comme des croix. Quand vous avez une plaque et une deuxième plaque, je les assemble comme une croix. Et tout de suite, ça crée de l'espace en trois dimensions. Est-ce que vous utilisez une machine pour faire ça ou pas ? Alors, j'ai un découpeur plasma. C'est une torche comme pour la soudure, qui permet de découper les plaques. Et puis après, je les soude entre elles avec un poste à souder classique. Voilà un peu la technique. Et combien de temps est-ce qu'il vous faut en moyenne pour faire ça ? Alors c'est vrai que ça, la question revient souvent, de savoir combien de temps on met pour produire une œuvre. C'est pas quelque chose qui est trop quantifiable en termes de temps, parce que il y a souvent des arrêts, parce que je démarre quelque chose, et puis après il y a un besoin de laisser reposer ce qui est déjà mis en place, pour pouvoir rebondir, et parfois... j'efface ce qui a été fait ou je déconstruis pour reconstruire quelque chose derrière. Et parce que justement, l'idée, c'est pas de partir sur quelque chose de préétabli, mais plutôt de laisser aller l'inspiration, enfin, pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Parce que plus on reste fixé sur ses idées de départ, moins l'œuvre est universelle et intéressante pour les autres. Tandis que si on se laisse le temps et l'occasion de laisser rentrer le hasard dans tout ça, ou en tout cas de laisser rentrer l'accident, ça, c'est quelque chose dont on parle souvent dans la création, c'est de laisser venir les accidents. Donc, je sais pas, moi, pour illustrer peut-être une tache d'encre qui va pas être volontaire, mais qui va permettre de partir ailleurs par rapport à ce qui était voulu au départ, et ce qui amène le tableau ou la sculpture vers quelque chose auquel on n'a pas anticipé. Et je trouve que pour le coup, le fait de laisser un peu faire les choses, ça amène une nouveauté, et quelque chose que j'ai l'impression qui se partage plus avec les autres, parce que ça laisse un peu la porte ouverte à leur imaginaire. Je sais pas si c'est clair. Et finalement, on peut conclure par quand on aime, on ne compte pas. C'est pas mal ça. Exactement, ouais. Nous allons maintenant nous pencher sur votre casquette de photographe. Comme vous le disiez plus tôt dans l'émission, vous faisiez du light painting, mais vous photographiez aussi la nature. Alors est-ce que, comme moi, vous pensez que la photographie est la seule chose qui arrive à figer un instant dans le temps ?

maudite jusqu'à l'Écosse. Salut à Poutou, les Azous. Salut à la jeune garde rouge. Salut à toi le peuple corse. Salut aux filles du Crésor. Salut à toi la vache qui rit. Salut à Lorraine et Arcy. Salut à toi peuple nomade. Salut à tous les Chamawas. Salut à toutes les verticoles. Salut aussi à Hugh Reiner. Salut à toi l'handicapé. Salut jeunesse du monde entier. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Julien. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Julien, vous vouliez nous parler de l'abstraite, qu'est-ce que c'est ? Alors ouais, je voulais vous parler du mouvement qu'on vient de créer avec Hervé Malcolm Thomas, qui est un ami peintre et ça fait... En fait, ça part d'une rencontre où on s'est rendu compte tous les deux qu'on avait vraiment la même démarche de peinture, de création. Et on s'est dit qu'on pourrait créer un mouvement autour de cette pratique. Et d'ailleurs, ça fait maintenant 2 ans que ça existe. Et maintenant, on est 8 créateurs à se fédérer sous ce nom. Donc il y a une vidéaste, il y a une photographe. Il y a 2 autres peintres, il y a un écrivain, enfin il y a 4 autres peintres et un écrivain. Donc voilà, si vous voulez, je peux un peu définir ce terme qu'on a créé, ça s'appelle inabstrait. Donc ça consisterait finalement à évoluer entre le monde abstrait et le monde figuratif. Et en finalité, c'est de produire une œuvre qui montrerait une dérive, ou en tout cas une libre expression visuelle. Et pour arriver à nos fins, on se donne la liberté justement d'effacer, d'ajouter, de construire ou de déconstruire ce qui est mis en place et à la fin de décider ce qu'il est bon de laisser apparaître. Alors on a une petite formule aussi, on dit la forme comme point de départ, la liberté comme chemin et la beauté comme arrivée. Vous voyez, c'est tout un programme, hein. En tout cas, ce qu'on a envie de montrer, c'est que l'acte de peindre ou l'acte de créer, c'est aussi un moment. Il n'y a pas que l'idée de départ et que le résultat qui compte, que finalement le résultat s'obtient par tout ce moment de création qui est libre et où on laisse un peu venir les choses. Je ne sais pas si ça vous convainc, mais en tout cas, on a eu envie de créer ce mouvement qui commence un peu à... Bah, qui commence à exister parce qu'on est 8 et puis que ça a l'air d'intéresser les gens. Et comment un tel événement, ça se met en place ? Bah, alors ça se met en place par un... Bah, déjà c'est la rencontre qui a fait ça. Et puis nous on le met en place par... Il y a un site internet qui s'appelle inabstrait.fr où on présente les peintres et on présente le concept. Et puis, ça va aussi passer par des expositions qui vont porter le nom de ce mouvement. Donc là, pour l'activité à venir, les actualités, c'est beaucoup autour de ce terme. Et depuis que vous êtes à votre compte, Julien, sur quel genre d'événement vous avez déjà participé ? Alors, c'est vrai que d'un côté, j'ai créé une galerie à Saint-Dié qui s'appelle la Cour des Arts, qui est une galerie d'art et qui est aussi un lieu d'événement. Parce qu'on avait envie d'associer les expositions, en tout cas à des lieux, à des moments de partage avec le public qui ne seraient pas que venir voir des tableaux, des sculptures ou des créations, mais où on associe aussi plutôt du spectacle à ces moments, du spectacle vivant et des moments conviviaux. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on organise une exposition dans la galerie à Saint-Dié, c'est souvent lié à un événement qui, alors ça peut être de la peinture en public, ça peut être du dessin associé à de la musique. Samedi dernier à Saint-Dié, on a eu un spectacle qui associait des conteurs et un dessinateur. Donc les contes étaient racontés par 2 conteurs. Et puis, il y avait un grand drap tendu devant le public et le dessinateur était derrière et on voyait le dessin illustrer les contes qui se faisaient en direct. Et tout ça, il y avait une petite ambiance musicale aussi. Donc en fait, on a créé un instant qui serait plutôt de l'événement spectacle. Ça doit être super à voir ça. Ah ben, je vous invite vraiment à aller voir le site de lacourdesarts.eu. Où on voit la programmation du lieu, il y a quelque chose de nouveau tous les mois. Et c'est quoi votre actualité, Julien ? Alors, ouais, ça j'ai fait mon petit papier. Alors, 12 et 14 mai, je participe aux ouvertures d'ateliers à Nancy. Je suis invité par un ami plasticien. Donc ça, faut retrouver les infos sur le site des ouvertures d'artistes à Nancy. Il y a un site dédié où il y a tous les ateliers ouverts. Du 18 au 20 mai, on a une résidence à Saint-Dié à la galerie, où justement, avec Hervé et Malcolm Thomas, on finit un grand projet qu'on a mis en route il y a un an. On recrée un jeu de tarot divinatoire, donc à partir du tarot de Marseille, qui est on a réinterprété toutes les cartes en grand tableau, et on finit ce travail ensemble, et c'est visible par le public. Donc ça, c'est 18, 19 et 20 mai à Saint-Dié. Ensuite, j'ai de nouveau une expo avec Hervé Malcolm Thomas à la Fondation Solange Bertrand à Nancy, place Carrière. Donc ça, c'est du 16 juin au 25 août, c'est plus long. J'ai ensuite une autre exposition avec Sébastien Montag, qui est aussi un inabstrait, qui fait partie du mouvement. Ça, c'est à la Petite Galerie à Grange, c'est 8 juillet, 13 août. Donc ça, c'est à Grange, une exposition sculpture-peinture. Et puis la fin de l'actu, ça va être aussi à Saint-Dié, à la Galerie, une exposition photo d'un Parisien sur les affiches déchirées qu'il peut voir dans le métro. Et tous les mois de juillet et août, donc à la Galerie de la Cour des Arts à Saint-Dié, il y a des résidences d'artistes tous les 15 jours. Donc là, il y a 5 peintres qui sont invités à venir peindre avec moi. Et on ne sait pas ce que ça va donner. On se donne la liberté de peindre ensemble. Et c'est ouvert au public. Hein. Les gens peuvent venir voir un petit peu comment on travaille. Et c'est quoi vos futurs projets, Julien ? Ah bah c'est un peu tout ce que je viens de vous décrire. Hein. Là, il y a pas mal de créations à faire, hein, parce que les choses sont pas encore faites. Hein. Donc là, moi j'ai des sculptures à faire pour le mois de juillet, des peintures à faire pour le mois de juin. Et puis il y a tout l'accueil de l'été à la Cour des Arts. Donc voilà, c'est un peu ça tous les projets. Et puis surtout aussi de finir notre grand projet du tarot de Marseille avec Hervé Thomas, où on recrée un jeu de cartes. Et le jeu de cartes va être édité par France Cartes à Nancy. Donc il y aura un jeu de tarot qui va naître de nos tableaux. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors bien sûr, il y a mon site juliencuny.com. Là on voit tout le travail, et puis effectivement tous les réseaux c'est pareil, c'est Julien Cuny, on peut me trouver facilement là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Julien ? De continuer tout simplement, parce que c'est vrai que la vie d'artiste elle est aussi dépendante des ventes et il faut que les gens achètent nos œuvres pour qu'on continue à en faire, hein. C'est sûr que ça passe aussi par là. Donc continuer à faire et que les gens, que ça plaise toujours et que les gens soient toujours friands et aient toujours envie d'acheter. Cette émission est maintenant terminée. Julien, merci d'avoir été avec nous. Eh ben merci, c'était super. Hein. Moi j'étais en plein soleil là, en train de vous parler près du château de Chambord. Là on est en vacances en famille. Ah super. Et j'ai envie de vous dire où en fait je me suis pas mal perdu en marchant et... Mais je trouve que ça reflète bien la façon dont on peut peindre dans ce mouvement, c'est que on a un point de départ et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va arriver. J'espère que vous retrouverez quand même votre chemin. Ça devrait aller. J'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie, que vous reviendrez nous voir ou nous recontacter. Super, oui, carrément. Quant à nous, merci. Auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde!